Hey, je vous ai parlé de mes vacances? Ouais, j'étais à Saint-Martin. J'ai passé 15 jours extraordinaires. Non mais Saint-Martin, quoi? Le soleil, la plage, le paysage, les gens sympas et les voisins. Mes voisins, c'est des Français, comme moi. Donc on avait plein de points en commun. Ils m'ont dit qu'ils étaient propriétaires de leur maison depuis 95 et qu'ils y venaient souvent. Mais ça reste entre nous, hein, parce qu'apparemment, faut pas trop dire que leur maison est à eux. Hein. Officiellement, ils sont locataires. Enfin bref. Tous les soirs, c'était apéro, avant la soirée karaoké, avant de se finir en boîte. Carré VIP, champagne, autre chose. Et c'était eux qui régalaient à chaque fois. Vraiment sympa. La journée, c'était pétanque dans leur maison. Marrant, leur maison, elle s'appelle Pamplemousse. Bon, et souvent, il y avait des copains qui venaient boire un coup. Des gens si simples, si vous saviez. Vraiment sympa, les voisins. Puis des voyageurs, hein, en plus. Ils ont une autre baraque à Marrakech. Et puis franchement, ce genre de type, c'est pas un dégonflé, quoi. Il m'a raconté qu'une fois, il y avait une journaliste qui lève ses chiers, et ben il a piqué la caméra. Bah attends, eh oh, et puis quoi encore? Non mais c'est vrai quoi, tu peux pas recevoir des héritages sans être taxé de fraudeur dans ce pays. Bon, je suis bien d'accord avec eux, hein, tous des gauchistes ces journalistes. Je vous parle de ça parce que moi je les connais vraiment bien, vous voyez. Ils sont sympas, Patrick et Isabelle. Alors, la corruption, ouais peut-être. Le blanchiment d'argent, ouais peut-être. La fraude fiscale, oui peut-être, mais franchement, ils ont été élus. Alors pourquoi leur enlever leur immunité parlementaire ?